Qu'est-ce qui vous rassemble ici? Dans quel but manifestez-vous? On en a marre du froid, on n'en veut plus. Je suis là pour qu'on en finisse. Contre l'hiver, contre le froid, pour qu'on l'enterre. Pour le maintien de l'anticyclone, à bas la dépression. Et vous, monsieur, en quoi êtes-vous concerné? Écoutez, nous sommes venus ici au nom de nombreuses associations de façon à faire pression sur le gouvernement pour que l'hiver soit déclaré illégal. 3 mois que ça dure. C'est une manœuvre en vue des élections. On cherche à frigorifier les citoyens. On vise ainsi à les empêcher de penser. Et tout cela afin que le gouvernement puisse faire la pluie et le beau temps. Ce sont des procédés scandaleux. Et vous, madame, vous êtes d'accord? Moi, je ne suis pas venue pour manifester. Je passais par hasard. Mais tout le monde manifeste contre tout, alors pourquoi pas objectif retrait du froid? D'ailleurs, c'est vrai, on en a marre! Vous savez qui sont ces gens? Oui, des représentants de l'association des Amis d'Alphonse Allais.